Ça, c'est le genre de questions que j'adore. Ça, c'est au bout, ça, c'est merveilleux. C'est ceux qui n'ont pas vu. Ça, c'est une question qui demande une conférence. Ah ben, ils sont tous à l'endroit. Bon. Alors, on va rester ici, mais on va y aller. Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Non, je ne possède aucun enfant. Par contre, je reste avec une fille et un gars. Et une femme. Travaillez-vous autre que le travail présent? Oh oui. Ah, une question que je suis. Parallèlement, parallèle veut dire qu'il ne se touche que dans l'infini. Ne devait-on pas parler de monde convergent puisque l'astral interpénètre le monde physique? On peut parler de convergence entre deux mondes parallèles, sauf qu'il y a énormément de plans astrales qui n'interfèrent pas sur le monde physique, qui interfèrent sur d'autres phénomènes astrales qui ont des tentacules dans le monde de la matière. Or, ce qui fait que finalement, les mondes restent parallèles, même s'il y a une interférence de temps en temps, et les seules interférences qui sont possibles, c'est lorsqu'il y a un observateur humain présent. Donc, je peux être avec quelqu'un sans qu'il soit nécessairement avec moi. De toute façon, il ne sera pas avec toi. Peut-on arriver, quand on est décollectivisé, à voir vraiment que je suis seul sur une chaise dans une salle vide? Oui. Comment l'intelligence peut-il manipuler l'homme à travers l'astral, étant donné qu'elle n'est rien si elle n'est pas touchée, si elle n'a pas touché l'homme? Pour la simple raison que j'ai déjà expliqué dans une conférence spéciale que lorsque on parlait de coloration, on parlait du monde astral, du monde vital, du monde matériel, il n'y a pas de nuance réelle. Lorsque l'on prend un atome et qu'on le brise, on engendre une explosion nucléaire, c'est-à-dire qu'on libère de l'énergie. Alors, où est la séparation entre l'énergie et la matière? Mais il n'y en a pas réellement. Il y en a dans la forme. Lorsque l'on brise la forme du noyau atomique, eh bien, ce qu'il en résulte est une forme énergétique qui n'est plus contenue. Alors, ça résulte à une explosion. Lorsque l'intelligence manipule l'astral, l'intelligence, à un certain niveau de température ou de vibration, est le plan mental. Et à un autre niveau, est le plan astral. Et à un autre niveau, le plan vital. Et à un autre niveau, le plan matériel. L'intelligence pré-mentale n'est rien sans l'homme, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose qui permette la conservation de ces niveaux de température à un certain degré, il n'y a pas de ces plans. Alors, la matière peut se densifier, se refroidir, alors que les plans plus hauts vont revenir vers eux pour se réchauffer, abandonnant la matière. L'homme est l'amalgame de tout cela. L'intelligence manipule l'homme parce que l'homme a un corps astral. L'intelligence manipule l'astral parce que l'astral a engendré le plan de l'intellectuel, le plan de l'intellectuance, le plan mental. Où est rendue votre évolution personnelle dans le monde parallèle? Eh bien, elle est rendue là. Bien souvent, je m'amuse, bien souvent, je ris. Il y a des gens qui pensent que je me moque d'eux. C'est parce que vous ne voyez pas ce que je vois. Je ne me moque pas de personne. Alors, mon évolution, moi, c'est une évolution qui est personnelle. Ça ne sert à rien de commencer à compter où ce qu'on en est rendu chacun pour soi. Une chose qui est sûre, c'est que dans mon monde à moi, il n'y aura pas d'apocalypse. Parlez-nous davantage du plan divin et du plan bouddhique. On va y revenir. Lorsque je médite, j'ai l'impression d'être le seul, que l'univers est en moi, que Dieu est en moi, mais comment manifester cela dans ma conscience? Continuer à méditer? C'est la question. Dois-je continuer à méditer? Ben, effectivement, lorsqu'une personne médite, dans sa conscience, lorsqu'une personne médite, on peut appeler ça prière, on peut appeler ça bien des choses. Bon. La personne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que lentement, elle se centre vers une coloration, une expression dans le monde de la mort, des mondes parallèles qui s'appellent bouddhique, supramental ou divin. Et nécessairement, lorsque la personne a un contact avec ce monde parallèle, ce contact parallèle n'est à peu près pas touché par la majorité des individus. Il y a différents mondes parallèles à l'intérieur des mondes parallèles. Il y a donc différentes colorations dans différentes colorations. Alors, il y a le monde astral. Dans le monde astral, il y a une coloration du plan divin. Lorsque l'être humain prie, ce n'est pas ça qu'il prie. Il y a un peu plus bas la coloration d'une mécanicité divine. Ce que l'homme prie, bien souvent, c'est ça qu'il prie. Il y a une mécanicité encore plus refroidie, et la majorité des gens qui prient, prient cela. Et on peut aller chercher encore plus bas l'idolâtrie, où finalement, l'expression de ce plan est matérialisée dans une statue, dans un objet, et on prie l'objet. On ne prie pas ce que l'objet représente. Lorsque l'être humain médite, lorsqu'il prie, il peut parvenir, dépendant des êtres humains, et non pas dépendant des formes de prière ou de méditation. Certains humains qui, collectivisés dans un monde particulier, auront besoin d'une forme particulière de prière. Mais n'importe quel être humain peut décider du jour au lendemain de prier à sa façon parce qu'il se décollectivise. Il ne devra pas subir la culpabilité parce que sinon il reste collectivisé. Alors il peut décider de prier à sa façon, donc, d'engendrer. Qu'est-ce qu'une religion? C'est quelque chose, c'est une technique. Une religion est une technique humanitaire, c'est-à-dire qu'elle s'adresse aux humanités. La religion est une technique qui permet de relier l'homme à des mondes parallèles, relier l'homme à des choses qui sont déjà là, mais qui ne sont pas perçues par l'homme, parce qu'ils font partie d'un parallélisme de monde, c'est-à-dire qu'ils sont présents sans être là. Ça revient au monde parallèle, ils sont en même temps à la même place, mais sans interférer s'il n'y a pas l'homme pour créer le contact. Or, la méditation de la personne ici lui permet sans doute d'entrer en contact avec une coloration spirituelle du monde divin ou bouddhique, peut-être aussi carrément avec une parcelle du plan divin. On peut arriver à un contact divin sans avoir de contact bouddhique ou de contact supramental, mais il y a un danger, on devient souvent un martyr. On peut arriver à un contact bouddhique sans contact supramental, mais il y a un danger, on devient un missionné, comme le Mahatma Gandhi l'a été, et finalement, on ne vit pas. On est plus qu'altruiste, on vit exclusivement pour une condition extérieure, mais on ne vit plus pour soi. Et on peut entrer en contact avec le plan supramental sans toucher le plan bouddhique ou le plan divin. Et là, ça crée un problème. Ça crée les martyrs de la transition, plusieurs individus qui présentement se conscientisent au Québec et qui ont des symptômes très originaux et très souffrants, je dirais même très débiles, mais qui sont essentiels pour l'instant. Et lorsque la personne continue son cheminement, ces symptômes-là s'en vont. En l'occurrence, elle est agressive, elle est souvent malade, elle est souvent chômeur. En tout cas, si elle ne l'est pas encore, comme je dis souvent dans le séminaire, c'est qu'elle n'est pas encore assez conscientisée. Alors, voilà donc la personne qui médite. Comment faire pour rester là, dans ce monde? Le problème, c'est que la personne, elle doit faire abstraction de l'extérieur, comme ont toujours dû le faire les humains qui voulaient entrer en contact avec un monde parallèle, pour descendre celui-ci au niveau de leur vision, donc de leur conscience. Le problème, c'est que faisant abstraction du monde, ils n'avaient pas le contrôle sur le plan collectif, mais s'abstenant du plan collectif en essayant de limiter totalement les manipulations extérieures, alors bien souvent, on s'enferme dans une salle qui nous plaît, où peut-être même personne d'autre ne rentre, on peut appeler ça un temple. On s'enferme dans un ashram, on s'enferme dans une demeure particulière, dans un monastère, dans un couvent, dans une église. Et s'enfermant, on se coupe de l'extérieur. Alors, on n'a pas de radio, on n'a pas de musique. Et là, on va commencer à mettre dans cette ambiance une vibration particulière qui nous va bien, qui nous plaît. Et cela nous connecte à cette vibration, qui est une mécanique réflexe émotivo-astrale ou spirituelle, et qui lentement permet à l'individu de cheminer à travers un canal qu'il a déjà, mais qu'il n'a pas conscience, un canal qui passe par l'ajusteur de pensée premièrement, et qui lentement l'amène à vibrer et à boire une énergie nouvelle qui lui donne la vision différente des mondes. Sa vision, elle n'est pas qu'au niveau de l'oculaire. Il pourra sentir des choses, il pourra vibrer, percevoir autrement. Alors, il pourra réellement aller chercher même d'autres connotations qui ne sont pas d'ordre matériel, c'est-à-dire, ce ne sera pas une odeur, ni un bruit, ni une chose visuelle, ni une chose tactile. Ce sera quelque chose d'autre, un sens qu'il ne pourra pas décoder. Alors, il parle nécessairement de la puissance de Dieu. Alors qu'en réalité, simplement parce qu'il a une conscience un peu plus grande que la conscience tridimensionnelle amenée par son cerveau. Ces bons parallèles dont vous parlez sont-ils sous forme de pensée, vibration ou onde? La pensée est une onde qui vibre. La vibration engendre des ondes, qui est le transport d'une vibration à travers une matière. Ces mondes parallèles sont les mondes les plus proches de nous sont et vibrations et ondes. Pas tous, mais ils sont tous d'ordre vibratoire dans leur essence. Est-ce qu'ils sont pensés? Non. La pensée est un monde parallèle qui habite le corps physique de l'homme. La pensée est ce qui manipule l'homme. La pensée est ce qui empêche l'être humain d'arriver à un savoir instantané. La pensée est ce qui empêche l'être humain de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'il a suffisamment de pensée à l'intérieur qu'il veut voir les choses comme la pensée lui dicte de les voir. Et c'est la pensée qui collectivise l'homme. Que vont penser les autres? C'est typique. Parmi eux, y a-t-il des résidus de nos propres pensées? Dans le monde de la mort, dans le ciel, oui. Le ciel comprend les annales akashiques, les formes purgatorielles et les formes infernales qui sont présentement en train de s'éteindre lentement. Les pensées peuvent-elles avoir une résonance dans ces mondes parallèles et des retombées sur nous? Chaque pensée engendre une perception visuelle, olfactive, auditive, tactile, gustative, dans un monde parallèle qui porte le nom de ciel ou monde de la mort. C'est là qu'on va rêver, c'est là qu'on va dormir. Et on se fait royalement manipuler dans le rêve. Est-ce qu'elles ont des retombées sur nous? Oui, tant qu'on est collectif. Tout à l'heure, je lisais une petite bande dessinée, et c'était à propos d'élections. Il y a un bonhomme, un grand, qui demande à un petit, « Qui penses-tu qui est le meilleur dans ceux qui se présentent? » Fait que le petit répond, « Machin chouette. » Et toi? Fait que le grand, « Oh, moi aussi. » Ben, c'est ça. Il est collectif. Il ne sait pas, il demande l'opinion à quelqu'un, l'autre donne son opinion, lui embarque avec, comme ça, il semble bien. Il semble normal, il n'y aura pas d'estinade, il est correct. Et ça, c'est la retombée de la pensée sur l'homme. Elle se fait collectivement, quotidiennement, 24 heures sur 24, étant donné que dans le sommeil, on est manipulé, un peu plus dans le sommeil, parce qu'on n'a même plus la faculté de trier et de filtrer l'information qui y rentre. Est-ce qu'il existe un monde parallèle qui n'est pas parallèle? Donc, fini ou je ne sais trop, peut-être parfait. Il existe le monde que l'homme veut bien voir exister. Alors, pense le monde beau et parfait, et une chose certaine, un peu plus haut, tu trouveras un peu mieux. Plus l'être humain augmente sa conscientisation, plus il a la faculté de perfectionner sa vision. En réalité, il a une qualité qui s'améliore, celle de percevoir de plus en plus les choses comme les choses sont, simplement. Alors, une fois qu'il perçoit les choses comme les choses sont, il pourra les entacher, les colorer d'une forme d'expression de sentiment qui pourra paraître une forme d'expression d'émotion de la part de d'autres. Il y a un monde parallèle qui est parfait. Et ce monde-là n'attend simplement que l'individu pour le créer. Mais il est là, même s'il attend l'individu pour le créer. L'homme est paresseux, alors il préfère attendre que d'autres le créent. Pour créer un monde plus parfait, nécessairement, dans les conditions actuelles de la conscience, de la conscientisation de l'homme, il doit travailler son propre corps, il doit travailler les mécanismes qui le manipulent et qui permettent l'expression de la manipulation. Il doit aussi manipuler la matière de façon à perfectionner le monde, parce que dans la perfection de la matière, il engendre l'expression d'une intentionnalité plutôt divine. Le problème, c'est que lorsque l'homme devient paresseux, lorsque l'homme préfère se nourrir du monde d'autrui, on appelle ça un têteux, mais sous tous les angles, eh bien nécessairement, il va attendre longtemps avant que le monde devienne parfait, parce qu'il a sa propre vision d'une perfection, et il faudra que tout le reste de l'humanité finisse par exprimer la vision du bonhomme ou de la bonne femme, et non pas la leur. Que pensez-vous du contenu du livre des grands maîtres? Pensez-vous que l'on puisse atteindre un jour cet état d'âme? Cet état d'âme, non, parce que ce n'est pas un état d'âme qu'on décrit dans le livre des grands maîtres. En ce qui concerne le livre, je l'ai dit souvent, il est très bien relié. Il y a un axiome très important qu'on doit, à un moment donné, parvenir à vibrer. C'est que tout est possible. Tout est possible. Dans le livre des grands maîtres, ce que Spalding a écrit n'est pas des choses qu'il a vues. Ce sont des choses qu'il a voulu voir. Mais ça n'empêche pas que 100% de l'histoire peut être absolument authentique, même si lui ne l'a pas vécu comme il l'a écrit. Alors, que le gars ait compté des pipes ou pas, ça ne change rien. Tout est possible. Parlez-nous de l'amour, on va y revenir. Exprimez-nous le mécanisme de l'argent. On va y revenir. À quoi sert réellement la pensée? Sert-elle à planétariser l'homme, à terrestrifier l'homme? La pensée, ça sert à quoi? La pensée, ça sert à obliger différentes expressions d'une même intelligence à travailler ensemble et à travailler ensemble dans un plan où elle n'a plus cette intelligence exprimée. Je le dis plusieurs choses en même temps, tellement synonyme à un moment donné. L'intelligence exprimée dans un corps matériel, donc suffisamment densifié, n'a plus la capacité de voir ce qu'est l'écologie. Alors, il y a des archétypes, des formes qui viennent manipuler l'humain. Et en l'occurrence, dans cette manipulation, est engendrée et est transmise la pensée. La pensée, c'est un phénomène qui est unitaire et qui permet donc la conceptualisation d'un autre phénomène qui permet la transmission de la pensée, l'amour. Mais toute la pensée est très dense, très froide, très basse du point de vue de l'évolution. Et l'amour exprimé par la pensée est nécessairement un amour qui est conditionnel, qui demande et qui exige des conditions. Un amour où le respect n'existe plus. La pensée, elle est créée de façon à permettre à l'être humain de pouvoir conserver une idée, une illusion de conscience divine, mais très coloré dans un monde planétaire, parce que l'être humain doit être, et il est, un véhicule absolument génial qui permet à la matière de se structurer de façon à devenir plus complexe, jusqu'au point où la matière pourra être animée, donc elle aura quelque chose qui va la rendre motrice, il y aura la vie, il y aura l'âme, et dans l'âme il naîtra la pensée, qui est simplement la possibilité d'enregistrer de l'événement, la mémoire, l'expérience, et la faculté de jouer avec cette expérience dans le but que chaque être individu, donc réglé par une enveloppe séraphique qui protège l'âme et qui individualise l'expérience mémorielle de l'âme, ce phénomène ici engendre une pensée, la pensée à l'intérieur qui est simplement la gestion des mémoires expérientielles. L'enfant qui est jeune ne pense pas. Et il apprend à penser au fur et à mesure qu'il acquiert de l'expérience, donc de la mémoire, de l'instruction, amenée par le milieu, la vie ou par l'éducation. Et lentement, la pensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit par s'agglomérer suffisamment entre elles, par des mécanismes que j'explique plus en séminaire parce que c'est préférable de dessiner pour mieux comprendre. Et lentement, ça engendre l'ego, le « je », le « moi ». Et ce phénomène-là engendre le désir d'exprimer quelque chose qu'il ressent, mais qui n'est pas, lui, de l'intentionnalité, du libre-arbitre, de l'amour, du plan bouddhique, de l'intelligence, plan supramental, et il aura la possibilité d'exprimer cela dans des colorations très variées. Alors, il va commencer à vouloir désirer des choses, à animer le corps et à promener le corps un peu partout, et je l'ai expliqué souvent, cela permet à l'ego qui s'exprime par le thalamus de sécréter des hormones dans le corps de l'homme, et ces hormones exprimant l'émotion dans le corps de l'homme mutent et brisent souvent le corps de l'homme, et lorsque là, l'être humain engendre des enfants, lentement son évolution, cellularisée par l'expression hormonale de l'émotion, est transmise dans les enfants et par l'éducation extérieure, et c'est ce qui permet à l'animal humain de devenir un humain et de devenir un être humain, et de finalement devenir quelque chose qui, à un moment donné, évoluera autrement que par la manipulation de la pensée qui engendre les souffrances psychologiques, pas la problématique psychologique. On n'a pas une science qui s'appelle la psychologie pour rien, sa planète, c'est qu'il y a des mots du problème là-dedans. La guerre est engendrée par des problèmes psychologiques, la peur, l'ennui, les suicides. Tout ce qui existe sur la planète Terre a été créé par la pensée de l'homme. Le problème, c'est que cette pensée n'est là que pour permettre l'animation d'un corps physique à travers un monde d'illusions, pour que soient sécrétées des hormones, donc exprimer une émotion qui mute le corps physique. Et lorsque le corps devient suffisamment solide, l'expression hormonale ne le nuit plus, donc il ne sent plus la peur, il ne sent plus la haine, parce que le corps maintenant résiste à la captation de l'expression hormonale de ces choses. Et finalement, il peut entrer en contact avec une intelligence plus réelle, l'intelligence instantanée, qui maintenant va balayer la pensée qui provient de la mémoire et va amener l'être humain à un savoir inconditionnel instantané. Quels sont les aspects pratiques de la fin de semaine qui est annoncée le 12-13 mars? Bon, le séminaire que je donne. Ben finalement, tout ce que je donne en conférence, on le brasse d'une façon plus complète, plus profonde. Je réponds aux questions, à toutes les questions que les gens veulent poser. Et comme on est deux jours en face à face ensemble, nécessairement les questions, c'est plus facile à poser. Finalement, les personnes deviennent suffisamment stimulées. Alors, on va traiter de l'illusion du libre arbitre. Et nécessairement, comment l'être humain peut parvenir à s'en dégager pour finalement arriver à avoir quelque chose de plus pacifique. On parle nécessairement de la souffrance et comment l'être humain qui évolue par la souffrance, ça engendre des émotions, ça cellularise l'évolution. Comment l'être humain peut parvenir à évoluer sans cette maudite souffrance. On explique nécessairement quel est le rôle de l'homme. Bref, on répond à un paquet de questions. Quand des personnes veulent poser des questions sur des livres sacrés, on y répond. Quand la personne veut poser des questions sur elle-même, on y répond. Et l'un des points fondamentaux, c'est de permettre à l'individu de comprendre ce que c'est qu'un ajusteur de pensée. Parce que l'ajusteur de pensée, qui est la seule copie la plus parfaite de ce que c'est que le plan divin, et qui vient s'interposer entre l'intelligence supramentale et l'homme, de façon à permettre à l'homme de contrôler l'intelligence supramentale à un moment donné, en la fusionnant à lui, eh bien, cette mécanicité de l'ajusteur de pensée, on en parle et on s'arrange un peu, dépendant des individus, pour que l'individu puisse en prendre conscience de façon à pouvoir commencer à travailler avec lui d'une façon plus correcte. Il se passe quoi? Il se passe ce que vous y amenez. Mais je stimule suffisamment les gens pour qu'ils amènent de quoi. Est-ce que votre séminaire constitue une porte de perception des mondes parallèles? Il y a une chose qui est très importante, c'est que lorsque la personne finit le séminaire, je l'avertis toujours qu'elle ne doit prendre aucune décision radicale avant un mois. Pourquoi? Parce que pendant les deux jours, elle augmente tellement son niveau vibratoire qu'elle finit par voir des choses, elle voit plus clair bien des choses. Et si elle prend des décisions après le séminaire, après un mois ou deux, lorsqu'elle sera revenue à un niveau peut-être plus haut que son niveau de départ, mais un peu plus bas qu'après le séminaire, il y a des chances qu'elle ne comprenne pas pourquoi elle a pris ces décisions-là. Alors, il se passe quoi? Il se passe nécessairement que la personne qui fait le séminaire augmente suffisamment son potentiel vibratoire, qu'elle augmente son potentiel de conscientisation, et en même temps, quelle que soit la question dont on n'a jamais eu la réponse, eh bien là, on en a une. C'est pas que je suis mieux qu'un autre, c'est que dans mon monde à moi, j'ai eu un bon instructeur. Ce que vous dites m'insécurise beaucoup. Alors, c'est bien que vous le mentionnez. Dois-je retarder ma décision de prendre le séminaire en fin de semaine? Ça vous regarde. Mais une chose qui est certaine, c'est que le gros problème de l'homme, c'est la peur. Et lorsque l'être humain a peur, plusieurs choses peuvent le manipuler. Il n'y a aucune personne qui, jusqu'à date, a fait le séminaire qui a eu des problèmes. La majorité qui le font ont peut-être des problèmes avant, mais ils s'amusent en maudit après. Est-il possible de vivre en parallèle avec des personnes que tu ne croises jamais dans le quotidien? Ça va de soi. Exemple, selon Moebius, en référence avec un anneau de papier qui prouve que bien des choses que l'on considère comme étant réelles sont facilement transformables en illusions. Si je suis seul sur mon banc et que je regarde en avant et que j'ai un enseignement, alors il vient de moi. Et ayant illusion que tu m'enseignes, bon, c'est parler un peu en indien. Hein? Je suis seul sur mon banc et que je regarde en avant et que j'ai un enseignement, Alors, il vient de moi, en ayant l'illusion que tu m'enseignes. Ah bon, parfait. C'est moi qui lis en indien. Effectivement, je n'enseigne rien. Moi, je dis des choses et c'est vos oreilles qui vous instruisent. Ce n'est pas ce que je dis. J'ai depuis plusieurs années la sensation très désagréable de ne pas être totalement là. Votre séminaire peut-il me changer? Mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'être là? Quand un individu n'a pas tout à fait la conscience d'être là, c'est qu'il y a un déphasement au niveau de différents de ses corps. Alors, de temps en temps, son corps vital a une tendance à vouloir quitter le corps physique. Et l'individu peut même avoir l'impression d'être à côté. Ça peut être aussi le corps astral qui vit un désajustement. Cela peut engendrer différentes maladies, mais cela peut aussi engendrer des problèmes, comme vous conduisez votre automobile, puis à un moment donné, vous avez l'impression d'être au-dessus pour voir. Puis là, bien, on doit se concentrer pour rester dedans. Quand on est fatigué, ça peut arriver. Quand un individu vit continuellement ces choses-là, c'est simplement parce qu'il y a un déphasement au niveau énergétique entre ces différents plans. Et c'est relativement facile de les replacer. Maintenant, le séminaire, il n'enseigne pas à l'être humain comment devenir dépendant. Il enseigne à l'être humain comment se prendre en main et faire ces choses-là tout seul. L'individu qui fait le séminaire, si elle pose suffisamment de questions, elle aura les clés pour faire quelque chose avec. Dans son cas, juste apprendre à crier convenablement pourrait énormément l'aider. C'est sûr que quand tu commences à te déphaser à travers, quand tu es chanteur et que tu es sur une scène, ça crée des problèmes. Dans le monde de la mort, chaque agglomérat est-il parallèle à l'autre? Oui. Le 5% de la conscience qui habite l'homme, est-ce la mémoire de la conscience ou la conscience? Ce n'est pas de la mémoire, c'est de la conscience pure, absolument instantanée, et qui permet à l'homme de rester en vie, malgré tout ce que l'homme est. L'attente active, c'est encore l'espoir? Non. Ça peut prendre comme synonyme, dans un plan plus refroidi, le mot espoir. L'attente active. La disponibilité, c'est encore l'attente. Non. La disponibilité oblige obligatoirement l'humain à bouger. Mais encore là, il y a différentes choses. On bouge dans quel monde? On perçoit le monde de quelle façon? Vous savez, lorsque l'être humain, bon, après la conférence ici, certaines personnes ont compris qu'effectivement le monde pouvait être comme ils voulaient que le monde soit, alors ils sortent, ils vont dire « Ah, ben il fait chaud! » Bon. C'est que ce n'est pas parce qu'on le décide d'une façon égoïque que les choses changent. Tant qu'on a de l'ego, on est relié au monde collectif de tout le monde. Alors ce n'est pas juste parce qu'un désir comme ça fait que tout change. Vous seriez tout millionnaire. J'aimerais ça, mais la matière étant plus dense, c'est un peu plus compliqué. Alors, il y a toute une démarche à suivre, qui peut se faire en 2 heures, mais qui peut se faire aussi en 200 ans. Ça dépend des individus. L'attente active, c'est une mécanicité qui doit être comprise du point de vue mental, d'une vibration un peu plus haute que du point de vue de l'ego, où il veut jouer avec les mots. Que faut-il espérer si activement que ça? La fin de l'inutile? L'inutile a-t-il une fin? Oui, c'est une personne... Bon, dans le séminaire, je parle souvent de ce que c'est qu'une conscience supramentale. Et à travers certains séminaires que je donne, il y a des individus à qui j'ai parlé de ce qui était souvent exprimé par une personne qui se conscientisait, où finalement, elle découvre qu'elle n'a pas de libre-arbitre. N'ayant pas de libre-arbitre, elle se dit « Bon, ben, j'ai plus rien à faire. » Alors, elle s'assoit, puis elle attend que toutes les ticailles, sa planète, fasse toutes. De toute façon, c'est déjà fini. Puis elle préfère mourir pareil, qu'elle soit riche ou pauvre. Fait qu'elle attend la fin de l'inutile. C'est une phase souffrante de la conscientisation et qu'on peut sauter. Pour cela, la personne, elle devrait venir jaser avec moi. C'est une personne qui a fait le séminaire de toute façon. Fait que je suis très facile d'accès à ceux qui ont fait le séminaire. Puis on pourra en jaser un petit peu. Qui frappe l'autre, l'intelligence ou l'homme? L'homme met l'intelligence KO bien avant que l'intelligence le frappe. Bon, ben voilà, on a répondu à la question. Tout est donc aussi réel dans l'illusion. Oui, oui, y a-t-il une réalité? Mais oui! Où trouvons-nous l'illusion? dans le fait que je vois un fantôme. Alors, c'est une illusion parce que vous ne voyez pas de fantôme. Mais si je ne suis pas collectif dans ma conscience, c'est une réalité, le fantôme. Et si je comprends la mécanique, je pourrais, dans votre point de vue, dire, c'est une réalité, il n'y en a pas. Sauf que si je veux m'assujettir à votre réalité, mon fantôme aura de gros problèmes. Je ne suis pas suffisamment solide pour me supporter moi-même, je pourrais penser que j'ai des illusions, que j'ai trop d'imagination, ou que c'est mon pote chinois qui ne me passe pas, ou etc. Ou bien je suis pas capable de me supporter moi-même dans ce que je perçois, mais suffisamment collectif et orgueilleux pour quand même pas vouloir être con. Alors je vais dire, vous êtes tous cons. C'est plus simple. C'est ce que plusieurs personnes font. Mais si on est juste suffisamment vibratoire, eh bien on comprend simplement que ma perception me permet de voir des choses que nécessairement votre perception ne peut pas toujours vous permettre de voir. Et vous verrez des choses que je ne pourrai pas voir de mon point de vue. Je devrais transformer ma conscience pour aborder votre point de vue. Et là, je verrai la même chose que vous. Qu'est donc l'énergie à part de MC au carré? MC au carré, la masse multipliée par la vitesse de la lumière en accélération, c'est de l'énergie contenue dans la matière. Ce qu'Albert Einstein a exprimé par cette formule ne se limite qu'à l'énergie contenue dans la matière. Alors, si on augmente la masse et si on augmente la vitesse, on aura une augmentation du quotient d'énergie. S'il y a de l'énergie et qu'on augmente la vitesse, on augmentera nécessairement la masse. Lorsque Albert Einstein a amené cette formule, il n'a amené que de l'esthétique. C'était un artiste. Il n'a pas amené une formule qui devait servir. Il l'a amenée parce qu'il la trouvait belle. Et parce qu'elle est belle, elle explique effectivement le monde. Tous les astrophysiciens qui ont fait de grandes découvertes n'ont simplement amené que de l'esthétique. La formule était plus belle et elle leur plaisait. Alors, ils la conservaient. Et il se trouve que chaque fois qu'une formule est effectivement esthétique, elle s'avère comme étant réelle. Le monde est créé esthétique, disons beau. L'énergie qui crée l'énergie n'est pas E égale à MC au carré. Dans certains mondes parallèles, il sera E égale à MC au cube. Mais il y a autre chose qu'un phénomène énergétique qui ne peut pas être calculé présentement par la mathématique humaine parce qu'elle n'est pas perceptible, elle est perceptible dans l'énergie et l'homme n'est présentement rendu qu'à calculer l'énergie exprimée dans la matière. Il n'est pas encore capable de calculer ce qui est exprimé dans l'énergie. Et on appelle cela de l'intelligence. Il y a des formules mathématiques qui pourront un jour le permettre, mais ça ne sera pas nécessaire parce que l'humain vibrera tellement bien qu'il n'aura plus besoin de la forme mathématique pour expliquer sa cosmogonie. C'est la conscience qui nous permet d'être individuel et il faut être individuel pour être... matériel et finalement l'homme continue à grimper pour aller chercher de la conscience. À l'instant où on a un petit peu de conscience, eh bien là, on vit une évolution exponentielle qui est de plus en plus rapide. Depuis un mois, mon ego meurt et j'ai le plexus solaire en feu. C'est évident. C'est le cas de dire que je meurs à petit feu. C'est très déplaisant. Je ne fonctionne plus, je ne travaille plus, j'attends que passe l'inutile et le feu. Est-ce que ça va passer? Alors, je réponds à la personne. C'est une personne, encore une fois, qui a fait le séminaire. L'anti-homme qui nous habite, la grande partie de ce qui a été créé à l'origine pour pouvoir enfermer de l'intelligence à l'intérieur de la matière, est toujours existentiel et nous habite. Et cet anti-homme n'est plus nourri lorsque le canal qui nous relie au monde de la mort s'étrangle lentement, Et il y a une lutte qui va commencer à apparaître, et elle est vivante au niveau du plexus. Une lutte entre ce que j'appelle l'homme, l'homme réel, et l'anti-homme, l'homme psychologique. Ça crée une souffrance simplement parce que la personne, elle est dans une lutte où il y a de la partie anti-homme de l'ego, elle vit donc une anégoïsation. La partie de l'ego qui exprime l'orgueil est en train lentement d'être digérée par la partie humaine, homme ou être humainement divin, en train de naître dans ce qu'elle appelle, dans ce qu'on appelle l'âme. Cette digestion, elle est brûlante au niveau de l'énergie vitale parce que toute une restructuration doit être opérée. La personne a dit qu'elle atteint la fin de l'inutile. Et c'est pourquoi, dernièrement, j'ai rencontré les gens qui ont fait le séminaire et je leur ai expliqué, je le dis pour cette personne, de quelle façon on peut s'arranger en tant qu'être humain pour ne pas vivre ce genre de souffrance. L'évolution a été, depuis les millions d'années qu'on évolue, suffisamment souffrante pour qu'à un moment donné, l'intelligence et l'amour qui vient nous habiter servent à quelque chose. Autre que de broyer et d'espérer que dans un monde plus tard, ou dans un autre monde, ou patati ou patata. Alors la personne ici, je ne travaille plus, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, elle doit s'arranger pour faire ce qu'elle n'est pas capable de faire. Tant que cela est conséquentiel et écologique pour l'entourage. Daniel, la première fois que je t'ai entendu parler, tu étais jeune et tu participais à un symposium sur la paix. Tu avais alors beaucoup parlé de ton père dans les cieux. Peux-tu nous en reparler? J'étais jeune, c'est pas que je manquais d'expérience, je n'arrivais pas encore à cacher mes choses. Qu'as-tu voulu dire par... Non, qu'a-t-on voulu dire par « et Dieu s'est fait homme » en ce qui concerne le Christ? Alors, imaginez un être qui vit sur un monde parfait, une conscience intelligente qui n'a pas besoin de corps parce que dans son monde... Le corps n'est pas nécessaire pour exprimer l'intelligence, et qui, à un moment donné, est assujetti à l'évolution de l'homme ou à l'évolution d'une certaine partie de l'humanité parce que l'intelligence qui l'habite, elle, a été exprimée dans un contexte planétaire. Alors, ce personnage qui vit dans un monde absolument parfait doit lentement descendre à travers les mondes parallèles et venir habiter dans un collectivisme de conscience pour pouvoir englober de quelle façon l'humanité voit la création. Et lorsqu'un être qui voit la création comme elle est parfaite doit descendre son point de vue de conscience pour embarquer dans le monde de la mort, le ciel, où elle peut voir maintenant comment l'humain voit, on dit elle s'est fait homme. Et pour pouvoir supporter cette vision, elle doit habiter un corps vital qui doit habiter un corps physique. Et c'est pourquoi le Nazaréen a donc été obligé de se faire chair. Et nécessairement, lorsque l'on voit clairement comment certains voient le monde, on a une seule idée en tête, ça crée son camp. Le Nazaréen avait une fonction, et il accomplit ce qu'il avait à accomplir. Mais c'est pourquoi on en parle comme si c'était si... débile de se faire homme. Il faut comprendre que voir la création comme l'homme la voit, bien souvent, on pourrait préférer penser qu'il n'y a jamais eu de création. Dans mon monde, la pensée me fait souffrir. Je sens beaucoup. Je pense beaucoup. Non, on pense beaucoup dans ta tête. Alors, comment atténuer la pensée pour retrouver la paix intérieure que je recherche? Eh bien, voilà, c'est ce que je vous dis. La pensée, la mécanicité qui permet la manipulation chez l'homme. Alors, la personne, elle veut atténuer sa pensée. Le problème, c'est que ce n'est pas elle qui pense, alors elle n'a pas le contrôle de sa pensée, parce que ce n'est pas elle qui pense. Elle veut dormir et ça pense dans sa tête. Elle veut se relaxer et ça pense dans sa tête. Elle veut faire certains travaux et elle manque de concentration parce que continuellement, ça pense autre chose dans sa tête. Et on recherche la paix. Et depuis longtemps, on parle du contrôle de la pensée. On ne peut pas contrôler la pensée. La pensée ne nous appartient pas. C'est un facteur qui permet l'animation de l'âme, qui permet le nourrissement de l'âme. La grande majorité de la pensée est amenée chez l'homme par la réincarnation 24 heures sur 24 de mémoire réincarnationnelle du monde de la mort. Ça stimule. Comment parvenir à avoir la paix? En comprenant, premièrement, que ce n'est pas nous qui pensons. Et pour cela, bon, je le dis. Lorsque l'homme, lorsque la femme veut avoir une abstinence de pensée, il y a différentes mécanicités qui sont un peu longues à expliquer. Et la meilleure, c'est simplement de commencer à devenir imaginatif soi-même et de contrôler l'imagination. Ça ne vient pas comme ça. Je ne parle pas de s'asseoir et de méditer jusqu'à temps qu'on arrive à avoir une pomme parfaitement. Non, non. Il y a différentes techniques. La première technique, c'est de commencer au moins à ce qui se passe dans notre tête se ralentisse. J'appelle cela la démarche flottante mentale. C'est une technique du PMC. L'individu qui pense dans sa tête doit commencer à obliger la pensée à ralentir. Et là, vous allez suffisamment écœurer ce qu'il pense. Il va aller penser dans notre tête. Ça pense trop chez vous. Ralentissez la pensée. Et vous verrez que ça ne pensera pas longtemps. Mais il y a d'autres techniques. On commence par celle-là. Il y a le balayage mental ou corporel. Bon, il y a d'autres choses. On peut aussi apprendre à contrôler sa conscience. Comment? Eh bien, on regarde une pomme. Et lorsque l'on regarde une pomme, on a l'œil droit qui voit la pomme sous un angle et l'œil gauche qui voit la pomme sous un autre angle. Et ces deux visions légèrement différentes, en plus de nous donner la distance de la pomme par rapport à l'orientation des globes oculaires, et ça se fait par réflexe, en plus nous donnant deux visions de la pomme, notre cerveau les associe pour engendrer une vision tridimensionnelle de la pomme. Alors comment on peut contrôler la pensée? Eh bien, c'est en s'arrangeant pour imaginer deux pommes. Et lorsque les deux pommes sont suffisamment claires, on les juxtapose une par-dessus l'autre. Et là, on va avoir une pomme mauditement alléchante à bouffer. Et là encore, on apprend à contrôler la pensée. Mais lorsque on me pose ce genre de questions, lorsqu'on travaille en séminaire ou lorsqu'on travaille ensemble, la réponse la plus adéquate, c'est comment juste par observer de quelle façon tu te fais charrier, parce que tu peux vouloir contrôler ta pensée, mais tu ne sais pas pourquoi encore. Peut-être aussi que c'est une attrape. Si je prépare l'Apocalypse en préparant un village à l'épreuve des balles, c'est que je crois à l'Apocalypse. Oui. Si je n'y crois pas, je ne la prépare pas. Ça dépend avec qui tu fais ton village. Faut-il le prévenir sans y croire? La prévenir, l'Apocalypse, c'est encore y croire. Ça dépend bien gros des individus. La semaine prochaine, on parle de que nous réserve les 10 prochaines années. Parce que nous sommes en 88, donc 10 ans avant 98. Et c'est intéressant de savoir ça. Bon. Et dans quel monde allons-nous vivre? Dans notre monde ou dans leur monde. Nous ne sommes pas des élites ou des élus parce que nous changeons le monde. Ça n'a rien à voir. Les 144 853 élus qui, à un moment donné, vivront sur la planète Terre, réparent le processus de la réincarnation pluralitaire de toutes les âmes qui vont dans le monde de la mort, vont soutenir et englober toutes les humanités de la planète. Or, il n'y a personne qui est oublié, il n'y a pas d'élus. Il y aura des corps. Et lorsque l'on parle des personnalités de là quelques milliers d'années, eh bien, c'est préférable de personnifier un peu plus l'évolution et on parle d'élus. Et on dit à l'humain, ben, croyez-vous l'élu, le cul, enfin, bref. Pour arriver à fonctionner de façon à être, mais de façon, c'est un peu accélérer le processus, tout le monde va y être. On parle d'un Dieu parfait, d'un Dieu qui aime l'homme. Un Dieu qui aime l'homme bannit pas 5 milliards, quelques millions d'humains pour en sauver seulement 144 000. En tout cas, on n'a pas la même conception. Alors, pour un village, pour un apocalypse, ou pour ceci ou pour cela, on va y revenir la semaine prochaine, il y a deux mondes qui vont naître. Il y aura un monde qui va continuer à exprimer la tradition prophétique. Et il y a un monde qui va exprimer ce qui a été caché à travers la tradition prophétique. On parle d'apocalypse, et à travers tout cela, on parle d'apothéose, et l'humain ne voit que l'apocalypse, l'humain oublie l'apothéose. Alors, que nous réserve les dix prochaines années, lentement une scission entre certaines consciences au niveau de l'humain. Il y a des humains qui vont commencer à appliquer dans la matière de l'intelligence avec du cœur ou de l'amour intelligent. Il y a des humains qui vont continuer à lutter pour marcher contre l'armement nucléaire. Et pendant qu'on désarme les pays les moins belligérants, eh bien, les pays belligérants pourront envahir facilement, parce que on doit savoir que la majorité des mouvements pacifiques en Europe sont financés par l'Union soviétique. Alors, pendant que l'humain, donc, il y aura une séparation entre deux formes d'humanité, et il y a des choses qui vont nécessairement arriver. Alors, quand on va fouiller un peu dans la mémoire du futur, on peut avoir une idée. Qui va vivre quoi? Aucune importance. Des humains vivront cela, des humains vivront cela. Et à vous de choisir. Mais encore une fois, ce n'est pas du libre-arbitre. Vous avez le choix entre deux mondes. Vous ne pourrez pas, dans l'actualité, dans les 10 prochaines années, la majorité ne pourront pas totalement créer le leur. Alors, ils devront s'unir pour que chaque petite partie de la conscience collective que je peux changer, je l'imbrique à celle d'un autre. Et finalement, il y aura suffisamment de liberté dans ce rassemblement d'idées que le reste du monde de la mort qui collectivise les humains ne pourra pas y pénétrer, alors on aura la paix. Et les personnes qui ont vécu la guerre en France, la Deuxième Guerre mondiale, dans les champs avec des moutons, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait la guerre. Puis après la fin de la guerre, ils n'étaient pas au courant qu'elle était finie non plus. Ils n'ont jamais vu d'Allemagne, ils n'ont jamais vu personne. Ils ont vu les avions passer de temps en temps, puis jeter des crottes, des parachutistes, un feuilleur. Bon, ben c'est ça. C'était la guerre, ils ont été envahis. Je sais pourquoi je vis, parce que c'est trop difficile de mourir. C'est un fait. Si tout le monde avait un bouton qu'il n'aurait qu'à appuyer pour mourir, la moitié des humains seraient déjà partis. Est-ce là aimer la vie que de vivre parce que c'est trop difficile de mourir? Pas de choix, pas d'amour intelligent. Ça, c'est une question souffrante. Sur papier rose. Pourquoi l'homme a peur de la mort justement pour qu'il continue à vivre? Parce que tant qu'on n'a pas suffisamment de conscience chez soi pour comprendre l'intelligence de la vie, il y a le danger qu'on y mette fin. Le problème, c'est que l'homme n'évolue que dans un corps vivant. Il n'évolue pas dans le monde de la mort. Dans le monde de la mort, il attend. Il attend, il revient, digéré à travers d'autres personnalités réincarnatives, et il finalement revient pluralisé dans plusieurs corps. On vit, et si on ne sait pas pourquoi on vit, une chose est certaine, c'est qu'on sait encore moins pourquoi on meurt. Et l'homme doit apprendre à manger du céleri. Alors là, il pourra apprendre ce qu'est la vie. Parce que quand on mange un céleri, on sait c'est quoi la vie. C'est facile. Vous ferez l'expérience. Quand vous ne saurez plus à quoi sert la vie, eh bien, prenez un céleri, ou allez en acheter un si vous n'en avez pas, hein, et bouffez-le. Et vous aurez une idée de quoi sert la vie. Si après un céleri, vous n'avez pas compris, bouffez un autre céleri. Et je vous garantis que vous allez comprendre à quoi sert la vie. Et je suis sérieux. C'est un truc d'évolution financé par Métro Richelieu. Mais ça marche. « Continuellement, il y a des manifestations qui se passent dans mon corps. Mal de tête en avant, en arrière, d'un côté et de l'autre. Palpitations, genre de piqûres, bourdonnements et pincements violents avec les deux oreilles. C'est le 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Il se passe simplement que l'individu se conscientise. C'est épeurant. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix de se conscientiser ou de ne pas se conscientiser. On se conscientise ou on ne se conscientise pas, mais on n'a pas le choix. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque l'être humain comprend clairement certaines choses, et lorsque certaines personnes, comme ce bonhomme, ont passé avant vous pour souffrir, eh bien, lentement, il crée une expérience dans le monde de la mort, il crée une expérience dans les mémoires que l'humain va aller chercher par la suite, ce qui permet à ceux qui se conscientisent par la suite de ne pas vivre ces souffrances-là. Le premier qui passe, souvent, on le crucifie. Le deuxième qui passe, ben lui, on le brûle. Le troisième qui passe, on l'enterre vivant. Le quatrième qui passe, on le rejette pour le mettre en prison. Le cinquième qui passe, on le rejette, mais on le laisse libre. Puis finalement, bon, finalement, on est rendu qu'on peut être télé-évangéliste un peu partout sur tous les canals. Puis plus de problème. Bon. Oui. Alors, le premier qui est passé, ah, lui, il a eu des problèmes. Au niveau de la conscientisation, ben, grâce à cette personne-là ici, il y en a beaucoup qui ne souffriront pas. Il se passe quoi? Il se passe simplement que présentement, le corps physique est en parfaite mutation. Et lentement, un homme nouveau est en train de naître au niveau de la biologie physique. Et nécessairement, pendant ce laps de temps, alors que les neurones sont mutés, que les cellules gliales commencent à mieux fonctionner pour nettoyer le système neuronique, qu'une grande partie du système neuronique, donc des neurones du cerveau, qui dorment, qui attendent, commencent à être programmés, les axones sont recréés, des périphériques sont engendrés. Pendant ces systèmes-là, le cerveau détecte des choses. Ah, il détecte qu'il y a un bruit dans l'oreille, même s'il n'y en a pas de bruit dans l'oreille. Il détecte que ça chauffe, mais merde, il n'y a rien pour chauffer. Il détecte qu'il y a des problèmes de pression, le cœur accélère ou le cœur ralentit. Il détecte un paquet de maladies qui, lorsqu'on va voir le médecin, on se fait juste dire, « Ben, t'as rien. Repose-toi un peu. » Puis là, tu t'en vas chez vous en continuant à être malade. Les maux de tête, en avant, en arrière, d'un côté et de l'autre, sont normalement un refus de l'antihomme de subir une mutation. La personne devrait apprendre à marcher un peu plus, parce que marchant, plutôt que de prendre son automobile, elle fait travailler les vertèbres sacrées et le bassin, ce qui engendre un pompage du liquide céphalo-rachidien, et cela permet de monter, refroidir le cerveau, ce qui va énormément atténuer. La marche nous permet de mieux penser et clarifier les idées. C'est simplement pour cette mécanique. Et l'individu qui a mal à la tête devrait marcher plus souvent. Les palpitations sont simplement une expression de l'antihomme. Tout à l'heure, on a eu une question au niveau de l'ego et qui fait qu'il y a une lutte au niveau de ce champ, de ce centre vital, ce carrefour d'énergie vitale qu'on appelle souvent chakra, et nécessairement ce tourbillonnement engendre une correspondance et on pense que c'est le cœur. Et nécessairement parce que l'ego a peur, lorsque cela se vit, il puise dans le corps physique de l'énergie vitale. Puisant dans le corps physique de l'énergie vitale, le corps détecte un manque à gagner de quelque chose qui amène la vie. Et sa répercussion, lui, c'est comme s'il perdait du sang, alors il commence à accélérer le rythme cardiaque. Genre de piqûre, le cerveau détecte des choses qui ne sont pas. Bourdonnement, dans les oreilles, c'est un ajusteur de pensée qui fait tout pour entrer en contact avec notre personnage. Et le personnage veut trop contrôler l'ajusteur de pensée avant même le contact, alors il y aura des symptômes qui bien souvent ressemblent à des bourdonnements. Tous ceux qui ont la pensée peuvent sentir ce genre de bourdonnement, c'est simplement qu'un ajusteur de pensée leur tourne autour de la tête et il se passe quelque chose. Et c'est là 24 heures sur 24, c'est que la personne présentement est en grande phase de changement. Tu as dit qu'il fallait vivre sur notre propre monde. Comment y arriver? Comment déterminer notre propre monde, du monde collectif ou illusoire, par rapport au nôtre? La première chose, et c'est un problème, c'est que parce que pendant longtemps, tout ce qui devait être fait a été enseigné à l'homme, mais parce que ça l'a mal été enseigné, ou parce que l'homme l'a mal compris, ou parce que l'homme l'a mal exprimé, on pense que ces enseignements-là sont faux. L'erreur, ce n'est pas de dire que dans la Bible, on dit ceci et c'est vrai aujourd'hui. L'erreur, c'est de penser que c'est vrai parce que ça vient de la Bible. Ou du Coran, ou du Talmud, ou de la Bhagavad Gita. Parce que les choses ont été mal appliquées, parce que l'humain a voulu les appliquer, chacun à sa façon. Eh bien, finalement, les clés, on finit par les oublier et on finit par les perdre. Il faut vivre sur notre propre monde. Comment y arriver? C'est une démarche qui demande peut-être 1 an de travail, 2 ans de travail. Alors, je réponds, bon, plus au niveau du séminaire, on s'amuse, mais le séminaire ne règle pas tout. Il règle énormément. L'individu, au moins des éléments. La première chose à comprendre, c'est pas comment faire, c'est qu'est-ce qui nous empêche de le faire. Ça, c'est le rôle du séminaire. Comment déterminer notre propre monde, du monde collectif ou illusoire par rapport au nôtre? Eh bien, on doit commencer par détecter chez soi, et ça, vous pouvez le faire tout seul. Qu'est-ce qui est intelligent? Qu'est-ce qui devrait être? Dans le séminaire, souvent, je pose la question à une personne et je lui demande, est-ce que toi, tu fumes? Elle me répond oui. Alors, je lui dis, est-ce que fumer est intelligent? Ben, elle dit oui. Tu dis oui parce que tu fumes. Mais est-ce que fumer est intelligent pour le corps physique? Ben, je ne suis pas capable d'arrêter. C'est pas ça que je te pose comme question. Est-ce que fumer est intelligent pour le corps physique? La réponse est non. Mais la personne, elle reste intelligente. Il y a un problème. Lorsque nous parlons de monde illusoire, de monde collectif, de ceci ou de cela, eh bien, on doit simplement trouver ce qui est intelligent. Est-ce que la pollution est intelligente? Non. Elle est peut-être utile, elle a peut-être une fonction cosmique ou planétaire, mais est-ce qu'elle est intelligente selon votre vision? Non! Eh bien, cessez de polluer. Oh, mais c'est pas à cause que moi, j'ai cessé de jeter mon Kleenex par la fenêtre que ça va changer quelque chose. Alors voilà, tu restes dans le monde collectif. Si toi, tu agis comme si tu étais propriétaire de ce monde et que tu exprimes de l'amour intelligent ou de l'intelligence qui a du cœur dans ce monde, eh bien, lentement, tu vas descendre ton monde autour de toi. Mais si on se dit, oui, mais il faudrait que tout le monde le fasse, on revient encore dans le monde collectif, et comme tout le monde n'est pas tout à fait de ton avis, il y aura des problèmes. Alors, comment savoir, comment déterminer notre propre monde, collectif ou illusoire, par rapport à celui des autres? Eh bien, c'est ça, en intelligençant les choses. Ça demande du temps, mais ça demande autre chose qu'un passe-temps d'évolution. Ça demande qu'on doit l'appliquer. Et il y a un problème, c'est que ça fonctionne. Mais ça prend le temps que ça prend pour fonctionner. Alors, on commence immédiatement à vivre notre monde. Dans ton monde, il n'y a pas de violence. Nécessairement, si on te maudit un coup de poing en pleine face et que tu répliques, tu es dans le monde où il y a de la violence. Si tu es pour te faire tuer, réplique. Mieux vaut être vivant dans un monde de violence qu'être mort dans un monde de non-violence. Sauf qu'à l'intérieur, il ne doit pas y avoir de violence. Quand la mécanique est essentielle, tu dois préserver la vie de ton corps parce que tu as besoin du corps pour évoluer. Alors, tu pars un coup de poing et tu élimines l'adversaire, mais en dedans, il ne doit pas y avoir eu de haine pour travailler. Tu devrais donc rester capable d'aimer celui que tu plantes. Et là, tu aimes ton ennemi. Intelligemment. C'est facile d'aimer son ennemi quand on s'est fait tuer par lui. Est-ce que ça ne crée pas un vide immense lorsqu'on découvre notre propre monde? Alors, si on n'est pas encore prêt à assumer sa solitude, il suffit simplement de se grouper pour créer un monde. C'est simple. Présentement, nos corps physiques et notre perception d'un monde nouveau. On va revenir la semaine prochaine sur comment justement engendrer un monde, comment le percevoir et comment aussi appliquer des mécaniques matérielles pour que finalement, il puisse arriver à être accompli d'ici les 10 prochaines années. C'est trop long, c'est pas trop long, c'est mieux que 4,5 milliards d'années. Hein? Bon, on est tout pressé. On a 50 ans, on aimerait avoir 20 ans. Ça a pris 50 ans pour avoir 50 ans. On n'aura pas 20 ans en 2 jours. Laissez-vous 30 ans! 30 ans dans la bonne direction. Mais ça se fait. Comment parvenir à engendrer ce monde? Comment parvenir à voir les choses? Ce sont des mécaniques qui sont fonctionnelles. La seule chose qu'il y a, c'est que vous devez, dès l'instant où vous voulez vivre dans un monde plus parfait, faire comme si c'était déjà le cas. C'est pas de la spiritualité, c'est de la mécanique. Ça fonctionne. Mais pour cela, on devra parler un peu plus du plan bouddhique, de ce que c'est que le plan divin, de leur corrélation avec le plan supramental, de quelle façon l'ajusteur de pensée peut nous permettre d'aller chercher des choses, et finalement, comment voir, comment on peut voir un monde. On va y revenir la semaine prochaine. Est-ce que le développement de l'évolution d'une personne peut être influencé? Oui. Et comment du fait que celle-ci n'a qu'une vision, inoculaire, c'est-à-dire ne voit pas la profondeur comme un binoculaire, d'accord, unioculaire. Est-ce que tout son mental fonctionne vraiment différemment? Bon, alors je relis la question. Bon. Est-ce que le développement de l'évolution d'une personne peut être influencé et comment du fait que celle-ci, bref, comment peut-elle être influencée, étant donné que celle-ci n'a qu'une vision unioculaire, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas en profondeur les choses? Ben, c'est justement pourquoi elle fait facilement influencer. Et lorsqu'elle voit une chose, elle pense que c'est la chose et elle se garoche dessus, ce n'est jamais ce qu'elle s'attendait de trouver. Même l'avenir. Est-ce que tout son mental fonctionne vraiment différemment? Le mental de l'homme fonctionne selon une génétique léguée par les parents, donc par les lignées familiales. Le mental de l'homme est hautement assujetti à son cortex cérébral. L'homme exprimera l'émotion dans le corps physique à partir d'une génétique hautement exprimée par le thalamus et l'hypothalamus du cerveau. L'homme pourra reconnaître et accumuler certaines formes de réincarnation pluralitaire dans l'hippocampe, le cervelet et le bulbe rachidien et dans d'autres substances chimiques qui vont vivre ou qui vont, disons, être présentes au niveau du cerveau. La conscience, elle, n'est pas léguée par la génétique. Un être qui arrive à être totalement conscient n'engendre pas des enfants totalement conscients. Il engendre des corps physiques qui peuvent permettre l'expression d'un enfant totalement conscient, mais encore là, l'enfant devra lui-même parvenir à la conscience, mais il est mauditement mieux préparé. C'est pourquoi Marie n'était pas pure, Joseph n'était pas pur, les parents de Bouddha n'étaient pas purs. Par contre, les génétiques qu'ils ont engendrées étaient suffisamment intéressantes pour que l'intelligence puisse s'en emparer et vivre. C'était la même chose pour Krishna, pour Rama, dépendant lequel des deux replace en premier. Expliquez-nous le mécanisme de l'argent. Prochainement, je fais une conférence sur la gestion de l'argent. C'est un titre qu'on m'a foutu. Je ne sais plus trop quelle date. Je crois que c'est dans le prochain mois. Alors, on pourrait y revenir suffisamment. Chose que l'on doit comprendre, c'est que l'argent, c'est une énergie hautement divine. Elle permet l'expression de l'intentionnalité pour l'homme. Alors, à un moment donné, vous voulez faire un voyage, pas d'argent, ne ferez pas de voyage. Vous voulez acheter un cours, pas d'argent, ne ferez pas de cours. Vous voulez avoir une maison, pas d'argent, vous n'aurez pas de maison. « Oh, ben bon, à quoi ça sert l'argent? » C'est les pauvres qui disent ça. Vu qu'ils ne peuvent pas en avoir, autant s'organiser pour vivre sans en avoir. C'est qu'on écrit une philosophie de pauvres, bien souvent. Il n'y a pas un riche qui dit ça. « À quoi ça sert l'argent? » Parce que s'il dirait ça, tout le monde dirait « T'as raison, ça ne sert à rien, donne-moi-les. » Bon. L'argent, c'est de la vie. L'argent, c'est du temps, c'est de l'espace. L'argent, c'est du temps et de la matière. Alors, au lieu de transporter un bœuf sur le dos pour aller acheter un meuble, je transporte de l'argent sur moi, je donne ça au bonhomme, puis lui, il fait livrer le meuble chez moi. Et là, avec le même argent, il vient me voir, là, il a besoin d'un bœuf. Fait que là, il me dit, je veux un bœuf. Impeccable, il me donne l'argent, il part avec le bœuf. Puis là, je veux un autre meuble. Ah ben, je retourne chez lui avec mon argent. Je donne l'argent, il me donne un autre meuble. Qu'est-ce que c'est l'argent? C'est rien! Mais c'est la garantie qu'entre nous, on va continuer à échanger des services. Alors, si l'argent ne roule pas, elle pourrit. J'ai 5 piastres, j'achète un meuble à 5 piastres. Tu viens avec le même 5 piastres, t'achètes un bœuf à 5 piastres. Je retourne te voir avec mon même maudit 5 piastres, j'achète un autre meuble. Là, t'as faim, tu viens me revoir avec mon même maudit 5 piastres, un autre bœuf. Là, je veux une table, puis tout avec mon maudit 5 piastres. Puis toute la matière, l'humain devient de plus en plus riche, pas à cause que plus d'argent, simplement parce qu'il a accepté de l'échanger, l'argent. C'est tout. Comment pensez-vous qu'on peut devenir ou engendrer un monde qui peut fonctionner entre des humains? Ben, c'est simple. Le partage. Mais le partage peut être régi par de l'intelligence, et c'est là que l'argent rentre en ligne de compte. Toi, tu veux jamais rien donner, mais on ne donnera pas d'argent. Tu sais que tu n'auras jamais rien chercher non plus. Il y a de l'intelligence, mais on va revenir sur une conférence où on va pouvoir en parler un peu plus. Lors de la semaine prochaine, que nous réservent les 10 prochaines années, mais qu'est-ce qu'on peut aussi décider? Alors, bonne semaine. Vivez dans vos mondes.